ZZ。おお。 J'ai des pots, avant d'être riche, j'connais la div, div, div. Maintenant là je peux, crois pas que j'oublie, rends-moi mon bif, bif, bif. J'ai quitté le Benz, dès que la SACEM m'a dit j'te kiffe, kiffe, kiffe. On fait du Nesby, mais si j'investis, c'est 90, 10. T'es le monde d'un spi, j'entends une story, j'en fais un hit, hit, hit. T'es le monde de spi, qu'ils ont oublié que ça faisait plus dix, bif. J'te connais pas, si tu m'appelles, t'entends un bif, bif, bif. J't'ai bloqué depuis, continue d'écrire, lancer des bif, bif, bif. Monde à l'envers. Curieux sur ma life, je leur donne du son, ils cherchent encore à savoir qui est ma wife. Hey, tu sais bien qui je suis, le miel coule dans tes oreilles. J'ai fait beaucoup d'enfants qui veulent percer en faisant pareil. Je suis un survivant du Bendo, un synonyme de Nomo. Je veux devenir dans la zig, un classique comme la Super Nintendo. Toujours un œil sur le rétro, ça existe pas le bif en trop. Si tu fais partie de l'équipe, il te fera bon vivre quand on te fera quelque gros. J'ai des pauvres, avant d'être riche, je connais la div, div, div. Maintenant là je peux, crois pas que j'oublie, rends-moi mon bif, bif, bif. J'ai quitté le Benz, dès que la SACEM m'a dit je te kiffe, kiffe, kiffe. On fait du Nesby, mais si j'investis, c'est 80, 10, 10. T'es le monde d'un spi, j'entends une story, j'en fais un hit, hit, hit. T'es le monde d'un spi, qu'ils ont oublié que ça faisait plus dix, bif. Je te connais pas, si tu m'appelles, t'entendras bif, bif, bif. J't'ai bloqué depuis, continue d'écrire, lancer des pics, pics, pics, yeah. J'écris des chansons d'amour qui l'aident à dormir. J'suis le mood de 1h du mat posé à l'hôtel. Y'a toujours le top du classement dans la ligne de mire. En physique, en stream, c'est nous qu'on s'inspire. T'as bien vu l'Empire, yeah. Et j'vois ma vie comme un rêve. Maintenant quand j'vais dormir, j'fais plus la diff avec mes rêves. Toujours élever le niveau. Quand le parc des princes sera fou, j'arriverai peut-être en hélico. J'ai des pauvres, avant d'être riche, je connais la div, div, div. Maintenant là je peux, crois pas que j'oublie, rends-moi mon bif, bif, bif. J'ai quitté le Benz, dès que la SACEM m'a dit je kiffe, kiffe, kiffe. On fait du Nesby, mais si j'investis, c'est 80, 10, 10. T'es le monde d'un spi, j'entends une story, j'en fais un hit, hit, hit. T'es le monde d'un spi, qu'ils ont oublié que ça faisait plus dix, dix. Je te connais pas, si tu m'appelles, t'entendras bif, bif, bif. J'l'ai bloqué depuis, continue d'écrire, lancer des pics, pics, pics, yeah. J'vois ma vie comme un rêve. Maintenant quand j'vais dormir, j'fais plus la diff avec mes rêves. J'vois ma vie comme un rêve. Maintenant quand j'vais dormir, j'fais plus la diff avec mes rêves.